J'ai envie de jouer à FIFA là, viens. Sans déconner, tu te fous de ma gueule, le garçon, tu te fous de ma gueule. Attends, elle devait venir une soirée avec moi, chez moi, dans la famille, et là tu me dis que t'es en train de taper une soirée avec ma meuf. Allez, vas-y, putain, branche la console et tout, ça saoule là, vas-y, laisse-le lui. Mais ferme ta gueule, tu qui ferme sa gueule, lui, je vais te défoncer, tu qui ferme sa gueule, vas-y, c'est bon. Après les ministres, tu vas va chercher Milly, sans déconner. Logan, c'est qui le gars? Je m'en fous, c'est pas la peine, je viens. En gros, c'est l'ex de ma copine, tu vois. Ah putain, c'est l'ex de la meuf que tu viens de ken. Ouais, mais arrête de lui parler, putain, il me casse les couilles, là. Oh, arrête de parler, c'est bon. C'est Milly, arrête de taper converse avec toi, là. Tu me casses les couilles, putain. Mais en fait, c'est le bolos dont t'as baisé la meuf, là, il y a 10 minutes. Ouais, mais il t'entend, là. Je vais le défoncer. Je vais... Hey, il m'entend pas, là. Logan, c'est parti. Logan, ouais, Jason, t'inquiète, tranquille. Oui. Mais il y a pas, t'inquiète, putain, c'est qui, là, ce vieux gars ou quoi, là. Va chercher Milly, je te dis, grouille. Vas-y, passe là. Eh mais il est en train de gueuler, mais attends, est-ce qu'il a compris qu'elle est sous la douche parce que tu la kennes ou pas? Non, elle sait qu'elle est sous la douche, mais elle sait pas que je la kenne. Vas-y, j'arrive, c'est bon, non, allez, ferme vos petites gueules de pédé, là, je m'en fous, j'arrive, honnêtement, vas-y, je viens. En plus, elle voulait que je la prenne aussi, mais bon, moi, voilà, je suis casé. Vas-y, ferme ta gueule, parle pas, je vais t'en couler une, parle pas. Eh, il fait le malin, attends, passe-le-moi. Oublie-moi, dégage. Passe-le-moi, lui. Ouais, attends, vas-y, je te le passe. Vas-y. Allô? Qu'est-ce que tu veux? T'es qui, toi? Tu fais trop le show, toi, en fait, hein. Eh, mais toi, sans déconner, je te jure, t'es chez Logan, t'es qui, toi? Moi, je suis chez Logan, moi, je m'appelle Vincent, voilà, et c'est tout. Ouais, Vincent, bouge pas, j'arrive, Vincent, je prends la voiture. Mais tu vas faire quoi? Moi, j'ai rien fait, dans cette histoire, moi, je suis juste là, Mais qu'est-ce que tu parles de ma meuf? Toi, tu connais ma meuf, toi, t'es qui? Bah, moi, je parle pas, moi, je suis juste témoin, il y a Logan, c'est pas ta meuf à toi, c'est pas ta meuf à toi, c'est la meuf à Logan. Mais bien sûr que si, c'est ma meuf.